Depuis qu'amour cruel empoisonna, premièrement de son feu ma poitrine, toujours brûlée de sa fureur divine, qui un seul jour mon cœur n'abandonna. Claire Vénus qui erre par les cieux, entends ma voix qui en plein chantera, tant que ta face au haut du ciel luira, son long travail et soucis ennuyeux. Louise Labbé, 1555.